Donc là, nous avons été contactés par plusieurs qui nous ont envoyé des vidéos et on s'est rendu compte qu'en pleine guerre, même en pleine guerre, il y a une question de racisme. Même en pleine guerre, il y a une perception du réfugié qui devrait être soutenu et du réfugié qui ne devrait pas être soutenu. Et ça a été un combat important pour nous de dire que l'Ukraine dont on parle, c'est important de les recevoir, c'est important de les soutenir, c'est important de soutenir même le président de l'Ukraine dans ce combat-là. Mais en termes de guerre, il n'y a pas que l'Ukraine, il y a plusieurs autres pays qui également sont dans des conflits depuis des années et qui ont besoin donc de l'Allemagne. Afrique Média, le monde, c'est nous.